matin au soir, où que tu portes ton regard, tu verras un monde en proie à la peine. Tu verras un monde plein de haine, dans la rue comme sur ton ordi. On entretient la rage et le mépris, la jalousie au cœur de tous les esprits, engendre l'acrimonie vis-à-vis d'autrui. Je veux un monde où la différence ne susciterait pas la violence. Je veux un monde où la tolérance serait comme une évidence. On se crache dessus sur internet comme dans la rue. Impossible de garder la paix avec tous ces schismes, sexisme, racisme, antisémitisme. Il y en a encore beaucoup, pour ceux que j'oublie, je pense quand même à vous. Comme par exemple les féministes qui prônent la paix alors qu'à la moindre blague miso, elles sont prêtes à vous égorger. Je veux un monde où la différence ne susciterait pas la violence. Je veux un monde où la tolérance serait comme une évidence. Je veux un monde où la différence ne susciterait pas la violence. Je veux un monde où la tolérance serait comme une évidence. Je veux un monde où la différence ne susciterait pas la violence. Je veux un monde où la tolérance serait comme une évidence.